Zeggen we nu de Silo Hind en Brezonnik? C'est l'heure de retrouver Hind en Brezonnik. Henri, on se retrouve pour Hinter Brezhonek. On approche de la 500e, petit à petit. Nekepem Kand, met Peran, Seitek à Perugen, 497. Ça va, Henri? Ça va, très bien. Et aujourd'hui, alors, un mot court pour cette fois, hein. Même court et sec. Un tôle. Ah. Tôle, hein. Alors, il y a deux mots qui se disent tôle. L'un féminin et l'autre masculin. Alors, tôle au masculin, c'est le cou, et tôle au féminin, c'est la table. Ah oui, j'ai même pas fait la différence. Alors, ça s'écrit T-A-O-L, mais bien sûr, quand c'est la table, N-D-O-L, il y a une mutation derrière l'article. Alors, ça n'a rien à voir, hein, c'est, au niveau étymologie, n'est rien, ça n'a rien à voir. Hein. C'est simplement une homophonie, comme ça. Voilà. Alors, tôle, T-A-O-L, hein, masculin, donc c'est cou, C-O-U-P. Hein. Tôle, Calon, Tôle, Penba, c'est une émission d'RKB. Voilà, il y a Tôle, Penba, ouais, hein. Voilà, il y a toutes sortes de coups comme ça. Et alors, c'est un mot qui a un pluriel régulier, qui est Tôliou, hein, Tôliou boss, hein, voilà, des coups de bâton. Et c'est un mot d'origine celtique, hein, c'est un très vieux mot, hein. D'un celtique ancien qui devait être tabalo ou quelque chose comme ça, selon les reconstitutions qu'on arrive à faire à partir des différentes langues celtiques actuelles. Par exemple, on le trouve des formes voisines en gaélique d'Irlande, en gaélique d'Écosse, en gallois et en cornique. Hein, donc vraiment un mot celtique très répandu qui s'est conservé dans toutes les langues celtiques. Voilà. Alors beaucoup d'expressions, hein, rein on tôle, donner un coup. Le contraire, tapou on tôle, hein, prendre un coup. Tape le zone tôle ou ivry, hein, il a pris un coup sur le nez. Alors ça peut être au sens propre et figuré, quoi. Il a tape le zone tôle ou ivry, il a pris un coup sur le nez, quoi. Hein, voilà. Alors beaucoup d'expressions, hein, bien sûr. On tôle avel, un coup de vent. Hein. On tôle une que j'aime bien. On tôle Trafalgar. Oui, quelque chose, un événement subi qui renverse les choses, hein, voilà, quelque chose d'inattendu. Hein. On tôle Trafalgar, Zobed. Hein. On tôle Arné, un coup d'orage. On dit on tôle Curune aussi, hein, un coup de tonnerre. On tôle Bottes, là aussi il y a sens propre et sens figuré, un coup de chaussure. C'est un coup de pied, mais ça peut être une vacherie aussi. D'accord. On tôle bottes ne stapet, il a pris un coup de chaussure, quoi, voilà. Voilà. On tôle dorn, alors on tôle dorn, il y a deux sens possibles. Le sens coup de poing et puis le sens coup de main. C'est pas pareil. C'est pas du tout, c'est antinomique, hein, complètement. Voilà, on tôle dorn, hein. Alors pour être plus précis, on peut dire on tôle zikour, hein, quand il s'agit d'un coup de main, quoi. On tôle goat, c'est une crise cardiaque, enfin bon, quelque chose, oui, une crise cardiaque. Disait un coup de sang pour les chevaux. Hein. Oui, un coup de sang, oui. Les chevaux, c'est des coups de sang, surtout les chevaux très costauds, très lourds. Oui, oui. On tôle goat. On tôle goat ne stapet, hein. Voilà. On tôle essai, un coup d'essai, quoi. Voilà, là c'est calqué sur le français. On tôle Gwenon, un essaim d'abeilles. Ah, oui, on tôle Gwenon, oui. Bamisme, on tôle Gwenon, Dalve, loué d'Indan Nivam. Hein, au mois de mai, donc un essaim vaut autant qu'un veau sous sa mère. Ah, c'est bien. Oui, c'est une richesse, hein, pour ceux que. Voilà. On tôle Dwink, hein, c'est une ruade. Hein. Par un cheval ou une mule. Gwink. Gwink, oui. G-W-I-N-K. On tôle Gwink. Gwinkeneuse, hein, gaz. Elle a rué. Oui, voilà. On tôle Gwink. On tôle Yol, hein, un coup de soleil. Hein. Voilà. On tôle Kerr. On tôle Kerr, c'est un coup de maître, un exploit. Un tôle Kerr de Sgredarazé. Ça peut arriver aux boules, par exemple. Ah oui, voilà, aux boules. Ah oui, bah oui, aux boules. Hein, on tôle Kerr. Hein, on tôle Lance, c'est un coup de pouce, une aide au démarrage, hein, une tôle-lance. Hein, ça, on voit ça hein, dans... Il y a ça, Spézette. Spézette. Ouais, hein, concours tôle-lance. Tôle-lance, voilà. Alors, on tôle gris, un coup dur, hein, bon, un sale coup. Quoi. On tôle l'orgue d'un coup d'œil. On tôle chiode, hein, le coup d'œil et le coup de langue. Tôle chiode, ça pourrait être le coup de langue d'un musicien, mais c'est surtout utilisé pour la médisance. Quoi. Voilà. Hein, on tôle chiode, hein, on tôle... Voilà. On tôle chlore, un coup de cloche. Hein. Il y a surtout, on parle souvent dans les contes des tôlio hanternons, hein. Péouen, c'est vol de grabe rose, migleventolio, hanternons. Hein. Voilà, moi j'ai entendu ma tante Maïlou chanter ça, quoi, hein, sous forme de guerres. Hein. C'était un gars qui va voir sa copine, enfin, il est mal reçu. Hein. Elle n'ouvre pas la porte. Elle n'ouvre pas la porte, elle lui conseille de rentrer par l'un des chemins qui passe devant chez elle. Et comme il a déjà usé trois paires de sabots, elle lui conseille d'arrêter les frais en ce qui concerne les sabots et faire des chaussures en cuir, quoi. Voilà. On a fait un petit peu le tour hein, sur peut-être un dernier mot. Hat tol, un nouveau coup, quoi. Nat tol, ouais. Voilà. Tolio ma, tolio val, bepsor, tolio zo. Eh bien, on en reste là. Et on passe à la seconde partie, Brezhoneg tamm ha tamm. Albert Gac est allé au Salon de l'agriculture, c'est ça, Henri ? Oui, tous les ans, oui. Et ça va être le dialogue, l'objet du dialogue, et Chanik vient le voir. Voilà, et Chanik vient le voir. Chanik qui est Plara Radio. Plara Radio, voilà. Salut, Albert. Mard je ? Mard très, Chanik. Na oui, mard en trop, gonard ? Ya, ya, mais l'arrêt Albert. Clé vêt meus, or bed nevesso, bah, salons à la bourdoua. Ya, bedon de blanc maroas, plusieurs adin mondor en dro, chomberant d'au pédridé, plus durement me brelouille au chomba Paris, ne veut que rétine payer un hôtel de Gousquet. À bas salons de la Bourdouar, avec quel calze dut de Spébler, de Sbrovrance, à calze Lonnet. Calze dut de Zobet? Wardro, ouvert quand mille Zobet, on tombe neuptor vidoir l'année de Smusclevet. À Lonnet? Ah, ya, Lonnet de Bepsort, Tiesek, Zoud, Mort, Dévet. À Lonnet de Zevro? Ya, quel mesur gaz avec Diwalet, de Zlarune, à calze dut doit être Ah. Des œuvres en main. Ah, tant vêt peustra ou l'ipousse? Ah, ya, guin, giste, qui porrel, calz de drôme, mais redvedin diwal me mestra ban oad an aï. Mon ariet oas? Ya, zon jal rendement benebla oas, ma veille hier ad grandin. On reprend phrase à phrase ce dialogue de d'Albert et de Chanik, qui va rencontrer Albert, qui est allé au salon de l'agriculture. Salut Albert, manage. Ya, bonjour Albert, comment ça va? Ma très Chanik. Naroui, madame Traganar. Très bien, et vous Chanik, ça va aussi? Ya, ya, mais l'arédine Albert Clévet de Meuserbet Neveso, salon ça labour douar. Oui, j'ai entendu que vous êtes allé récemment au salon de l'agriculture. Ya, bédon d'Arblamor Roas. Oui, j'y suis allé encore cette année. Plige radine Mandoberandro. J'aime bien aller faire un tour. Oberandro, aller faire un tour. Chomerand, daop et dridé, peguir et mon breur Louis au chambre à Paris. Voilà, je reste 2 ou 3 jours puisque mon frère Louis habite à Paris. Neve kéredine monde d'un hôtel de Gousquet. Je n'ai pas besoin d'aller à l'hôtel pour dormir, hein, si on traduit littéralement. Ah bah salon ça de la Bourdouar avec Gouelet Calz à Dut de Bepler et Bro France à Calz à Londres. Voilà, et au salon de l'agriculture, on voit beaucoup de gens Calz à Dut, hein, de Spebler, hein, d'un peu partout, Bro France en France, hein, à Calz à Londres et beaucoup d'animaux. Calz à Dut de Zobet demande Chanik. Il y a eu beaucoup de monde. Wardro Werkandmille de Smusklevet. Il y a Wardro Werkandmille de Smusklevet de environ 600 000 d'après ce que j'ai entendu. Un tonne de butor et vide warlene. Un peu moins que l'année dernière, oui, il y avait eu 700 000 l'an dernier, oui. Un lonnet? Et des bêtes? Ah, il y a lonnet d'abepsort, kez, exaut, mort, d'invite. Oui, des bêtes de toutes sortes, hein, des chevaux, des vaches, des cochons, des moutons. Un lonnet de zorvro, demande Chanik. Et des bêtes du pays? Il y a gwelenmeus, gazek, diwalet, de slorun, à calzandut de zorvro, à wadut, eviti. Voilà, oui, j'ai vu la jument d'Iwalet de l'Henri Vin, bien connue, à Calzedut de Zevro ou à deux d'Eviti, et beaucoup de gens du pays étaient venus la supporter, quoi. Les supporters, un quart, ils avaient emmené. Ah oui. Tu sais bien. Attends, vite Pestraouli pousse, demande Chanik. Et vous avez goûté de bonnes choses? Ah, ya, Gwyn, Schist, Porhal, à Calzedrao. Ya, ya, Gwyn, alors du vin et du cid, qui Porhal de la charcuterie. Calzedrou. Mais redidine diwal me mestra. Ben moi de meus. Bon, mais à mon âge, il faut faire attention tout de même. Mon ri est roas. Vous irez encore? Ya. Zonge à la ronde monde benerbla. Roas, m'avait mad me hieret. Oui, je pense y aller encore l'année prochaine si ma santé est bonne. Eh ben voilà. Bon, eh ben on. Retour du salon. On passe à la troisième partie. Petra Zoné Vervro, la gazette d'Henri Le Naou. Petra zone Vervro. Calzedrou et Veljus, Boervé, je dis ouzan. Krogum de Dianton Velcus a custum, Grandelor Bourdouar a gevu et war armes. Erium Bremont tos de neve amser, Bleu Oezo, Balios Wurvro, ag hiradra en dé a douzra d'an amser. Prestik, vos gwelen en dud labourad war ur parkeia, ag zezo an drava de Velcus vidovro. Neus ke pelzo, oa bet ba par is salon ze lor Bourdouar. Ba par d'or vers a ipilar in mad. A blanc meus obé d'on tamreuse da skouer pe oaet Franche Hollande d'ober hidro war salons. Hag eus obé tamreuse putur zo nen kad en gant eur Bourdouar ur marément. Jonj al rand ma trezen hei gwell ar an traou prestig. Kal ze dut zo bet, vid ur salons war dro ur kant mil, pe so neubstor me meustra vid war lande, putur war lande oa be 600 mil dut. Kal ze londe de ze vro zo bet, de ze bobreiz amme zo bet ba salons, evel be pla, evel da skuer, kaz e glaruen, gazek ze zo haun diwalet. Hag o nebetud oa e de baris gant eur ar boutin, evit zout un neil. Ba bro fanj jambe, pepe ba bo plin vel ar veja ou be ba bro fanj, zo bet der ma tiez eo gart. Gwejel, ba neur zo evro da skuer, Vije kan ne ton de yezek. Be peus be klev, et zi. Tiezek puru, tiezek la ruon, ne neus ke gwell or evite. Pe ru pe melen pe pe char, re so mes war un doua. Ne gredan ke zo e bro be tiezek ken koul zvel ba bro vange. Adre istol pe veze le mat, tiezek or chwe e ro. Hag un ton zo be gret gant pierre, pas un ton. Ur poj a ouzo begret gant pierre an tert, a oa deus la ruion. Oa gant ba 1656 a perruk, un daou la rog un dispar. Hag hez het gant o ba neur jau dis, a rog un dreuj en gol, vije gant an neur jau. Vije kassen an neur jau dre ur vouez. Hag un ton, herve kled zo begret gant faf nek bras, deus croastaset. Croastaset zanigouden, pudur Hervé Kled, oa chom ba zanigouden, oa tu zanigouden deus croastaset. Pudur croastaset zo ba zanigouden a ba purud. Bon. Hag hem Hervé Kled oa deus zanigouden. Bon, hag do houls vel meus laret vije kaset en ur jo gant ur vouez. Moyen ve febe d'orze roaz, med bremañ tientor ve gret gant un dreuj un gol pe gant e binio hag e vomba. Met pli just ve pe un tam zon erez banneur jo mestra, quoi. Un kar edin ve gwell ar diez. Bon, setu oae d'ar gazek diwal de Baris hag an titru egen den de zevro. Hag mezon un gel kaz e drouz, hag benefin ur varnerien un ezro e dey bevar et plas, bevar et briz. Bon, Wardach en économie, est vraiment. Jacques Bernard, ou président de Gevridig, produit de Breis. Un dit lusque dit garg, vraiment. Ayed, Loïs et Naf, poudreusig, un pot de porte, de Beniblas. Beniblas. A Gueldvo, puis sa mot vos comptes, mais un dravard dit, produit de Breis, invite Kazwarog, un économie, est Breis. Wardach en endro, vraiment. Comme ce zobécals de ce gris nucléaire Fessenheim, un déaumant, puis dur, on s'y a gosse en rinizo, bah, brohal, ag, bon, sans ou abé de vous divonte de prestig, mais bénéfine, ne vaut que graine, mais en vomir et pas déglaroise, puis mûr, ag, un alamante, n'est que contente, puis dur, n'y a de ce gris. Bah, bro, France, mais on le veut que donc de si, bon, ou à enquête piou, quand piou, moi, virion, mais pessozur, ne voir rien que pessamode, ne voir rien que pessamode, veut dire, vont, d'un raisin tien brosse, puis dire, pévéguel, ben, après, nilis, vos hommes, hanteur, quand là, ils vont, d'un raisin, à quand c'est, mais d'ils vont, au Fessenheim, veut faire bé des hommes, quand là-bas, peut-être, de ne peut-on, à quand c'est, chombo graise n'a rapport de pelroise. Mais bon, disement compte. Hendel wardash en un endro, roise au pays manifestade, xobé de neveso, vide, enfin, enob de nerbors, bah, il trône varia l'en aya. Ag, bon, azené que gwals clair en trou, tambou jèche blaise autre ministre, warandash en zé. mais de maison de vos au référendum ma bro ligueur atlantel ou en que pesa mot de vos con wardroer politique res vraiment krog politique rien de jonge alba vota digo vos badoville seitek da square Jean-Jacques Urvoise ministre varnerien nes lar do vfb do rank vibout de député roas ou aller niveau dit lesque dit gar Bah, Paris, a grand c'est, voilà, de politikérien, avait l'appel, d'Hermat, bénéfine, politikourien, avait d'Hermat au Cambali, Vidondrov et Vidondel. Dit seulement, un mot, bah, Paris, en main. Hendel, vais comme ce de Zhaframa durant Tiriadou, pèse vais l'art de réforme territoriale, égale, à quand, les notes, hein, notre, n'est que non, mais notre, hein. Hag bon n'est que quals clair un trou da square vite Carnoët, d'in ben oa roas, plaire hei Carnoët, pe de Vengam, pe de Garez, pe no modèle, war anke pe sa mode vocon. War dach en eus evena dur, vraiment, mas un peus gwell un abad en oa begret ba, war bali breiz, ba efertri, war all an arouz, de spurut, hein. Gouelemeuse. Gouelemeuse, ya, mais handelard, perec, peus gouelet, hein. Président de RKB, hag zo de spurut, hein, hag gouelere de tu devrou ve gouelet, war bali braise ve genamze, hag wa brau en abad, na ma trezen peus gouelet de lip, lip ve l'art de ze, hein, wa begret gant Bastien Guyous, ave ve gouelet Morgan, bar lip ve gouel gouel bel, hein. Moi que mes dames sont de Velpi, ouais, mais de Clève Meuse Waller et Morgan, ouais, Robert Westreskol. Boto, ouais. Ah ben, chance au retard, ouais, dans cinéma, Morgan. Ah ouais, cinéma. Bon, c'est une tombe de Spessonné, mais Bavro. Benavégel, Gontindar, mur de Marcel Guyous, à deux orguelles au lac Wardrode, 8 ans. Mais Benan, votre âme d'Orguels, comme je disais, Benavégel, ouais. Bon, sais-tu, Kenavona, le tout d'un tut, à Tienorvégel. Kenoiri. Ya, Tienon Morgan.